إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue encore une fois le dars شرح القواعد الأربعة du Cheikh Saleh Al-Fawzan et on arrive maintenant à la première قاعدة. Finalement toute l'introduction qu'on a lue maintenant c'était pour nous préparer comme un genre de préparation. Maintenant on rentre vraiment dans les quatre principes ou les quatre règles. Et comme le Cheikh a expliqué dans le cours dernier, ces quatre règles, si vous les connaissez comme il faut et vous les comprenez comme il faut et vous mémorisez les preuves qui sont mentionnées dedans, eh bien ça va vous protéger inchallah de tomber dans le shirk et en même temps ça va être une arme, une force pour vous, hein, une arme pour vous contre les gens qui appellent au shirk et qui appellent à la bid'a. Inchallah vous êtes capable d'utiliser ces règles là. C'est des principes en fait pour réfuter les fondements sur lesquels se basent les gens qui pratiquent le shirk et qui appellent les gens au shirk et à adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala ou à prendre des intermédiaires et des intercesseurs dans leur adoration entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il continue, le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab il continue et il dit « Al-qa'idatul oula » أن تعلم أن الكفار الذين قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Donc le cheikh il dit que la première règle c'est quoi? La première règle c'est que tu saches que les kuffars que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu à son époque, eux ils affirmaient que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui le créateur et celui qui contrôle toutes choses. Les kuffars que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu à son époque, qui faisait le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui adorait les idoles, eux, ils affirmaient que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur, le seul créateur, et c'est lui qui contrôle l'univers. Ok? Et ça, ça ne les a pas fait rentrer dans l'islam. Le fait de reconnaître que Allah c'est le seul créateur, et que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui contrôle tout dans l'univers, ça ne les a pas fait rentrer dans l'islam. Et c'est quoi la preuve de ça? C'est quoi la preuve que les mouchriquins, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, ils ont cru qu'Allah c'est le seul créateur et qu'il contrôle toutes choses et que ça ne les a pas fait rentrer dans l'islam? C'est quoi la preuve de ça? Une des preuves, parce qu'il y en a plein, mais le cheikh, il a mentionné une. La preuve, parmi les preuves, il y a le verset 31 dans Surat Yunus, qui est une des preuves parmi les plus claires qui mentionne cette notion-là. Le cheikh, il mentionne le verset qui dit, dit, ô Muhammad, aux gens, ou aux mouchriquins, à cette époque-là, qui vous donne votre subsistance des cieux et de la terre? Et qui détient l'ouïe et la vue? Et qui fait sortir la vie de la mort? Et qui fait sortir la mort de la vie? Et qui contrôle toute l'affaire? Ils diront, certes Allah. Alors, dis-leur, ne le craignez-vous donc pas? Hein, c'est-à-dire, si vous savez que tout ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le fait, hein, alors comment vous pouvez adorer autre que lui, alors que c'est lui qui contrôle tout et qui crée tout? Hein? Donc c'est une contradiction de votre part. Et donc le cheikh Saleh Al-Fawzan, maintenant il va nous donner des détails sur la compréhension de ce premier principe et de cette première règle-là dans l'islam. Cheikh il dit Al-Qa'ida Al-Ula, أن تعرف أن الكفار الذين قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية. En passant, les enfants, ils apprennent ça. Ce livre-là, les enfants, ils l'apprennent en Arabie Saoudite, ils l'apprennent par cœur. Ok, donc, on devrait essayer. Yani. Moi-même, je ne l'ai pas appris par cœur, mais en même temps, je me rappelle pour moi-même, je disais qu'on devrait l'apprendre par cœur. Et si on n'a pas appris le texte par cœur, au moins, mémoriser le principe et comprendre les principes, qu'est-ce qui sont enseignés dans ce livre. Comme ça, si on n'a pas mémorisé les lettres exactes, mais au moins on mémorise les preuves et on mémorise l'idée de la qaïda, de la règle, et bien dans ce cas-là, ça reste avec nous. Peu importe où on va, peu importe, même si on n'a pas le livre avec nous, mais on a toujours les arguments et la preuve à disponibilité. Hein? Donc le cheikh il dit, شيخ ابن القاعدة الأولى أن تعرف أن الكفار الذين قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بالتوحيد أو بتوحيد الربوبية يهديكم الله ويصلح بالكم ومع ذلك إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام ولم يحرم دماءهم ولا أموالهم فدل على أن التوحيد ليس هو الإقرار. نعم. Donc le cheikh dit فدل هذا أن التوحيد ليس هو الإقرار بالربوبية فقط وأن الشرك ليس هو الشرك في الربوبية فقط بل ليس هناك أحد أشرك في الربوبية إلا شواذ من الخلق. وإلا فكل الأمم تقر بتوحيد الربوبية وتوحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر أو بعبارة أخص توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بأفعاله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit pour commencer comme on a dit la première règle c'est que tu saches que les kuffars que le prophète صلى الله عليه وسلم a combattu avaient déjà affirmé Tawhid al-Rububiyya, comme on a déjà expliqué que le Tawhid se divise en trois catégories. Tawhid al-Rububiyya, c'est le Tawhid de la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça implique quoi? Ça implique que tu crois que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui a tout créé, qui te donne ton risque, qui fait vivre et qui fait mourir et qui contrôle toutes choses. Ça c'est la signification de Tawhid al-Rububiyya. Et ensuite il y a Tawhid al-Uluhiyya, c'est-à-dire le Tawhid dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que toutes tes formes d'adoration doivent être uniquement vouées à Allah subhanahu wa ta'ala et que tu ne dois vouer à rien d'autre en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, quoi que ce soit dans les formes d'adoration, hein. Et ensuite, il y a Tawhid al-Asma wa al-Sifat, et ça implique que, par exemple, tu dois uniquement, croire en Allah subhanahu wa ta'ala par les noms et les attributs qu'il s'est donné dans le Coran et par les noms et les attributs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné. Et également que tu ne dois pas donner à Allah subhanahu wa ta'ala les attributs de sa création et que tu ne dois pas donner à la création les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ou faire ressembler Allah à sa création ou faire ressembler la création à Allah subhanahu wa ta'ala ou bien déformer et changer le sens des attributs d'Allah ou bien nier par exemple quelques-unes des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et demander le comment ou etc. Yani comme on connaît les règles de ce qui se rapporte à Tawhid al-Asma wa al-Sifat en détail. Donc ça c'est juste pour expliquer que le tawhid ça implique ces trois formes et ces trois catégories de tawhid telles qu'on les retrouve dans le Coran et dans la Sunna. D'accord? Toutefois, le cheikh il explique que yani, les mushrikins et les kuffars à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui adoraient Allah, Al-Uzza, Manat, hein, qui faisaient toutes sortes de formes de shirk et d'adoration pour d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala, wa alaykum salam wa rahmatullah, eh ben c'est Mushrikid là, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu, il reconnaissait, oui c'est vrai, il y a un créateur, il y a un seul maître, un seul créateur de l'univers. Comme la plupart des kuffars aujourd'hui, si vous leur parlez, même les athées, ceux qui disent que Dieu n'existe pas, ils disent, mais je crois pas en Dieu, mais je crois qu'il y a une force, hein, qui contrôle tout, qui est toute puissante. Donc même eux, parmi les athées même, ils reconnaissent à l'existence d'un être tout-puissant qui a créé tout, hein, et qui est tout-puissant. Donc ça veut dire que de reconnaître ça, ça ne suffit pas pour que tu sois musulman. De reconnaître ça, ça ne suffit pas pour que tu sois musulman. Donc par exemple, les scientifiques, hein, qui arrivent à reconnaître l'existence d'un créateur, hein, en se basant sur leur réflexion ou l'observation qu'ils ont fait de l'univers, s'ils arrivent à reconnaître l'existence d'un créateur, ça ne suffit pas pour les faire entrer dans l'islam. Ça ne suffit pas pour qu'ils soient des croyants. Ok? Puis on va expliquer pourquoi. Le cheikh, il dit, et même s'ils ont reconnu que Allah c'est le seul créateur, ça ne suffit pas pour qu'ils soient reconnus comme étant musulmans et ça ne protège pas leur bien et leur sang. Tant qu'ils n'ont pas reconnu que c'est seul Allah qui mérite l'adoration. Et le cheikh explique, il dit, ça prouve que le tawhid, ça ne veut pas dire seulement de reconnaître que Allah c'est qu'il a la souveraineté sur sa création. Si tu reconnais juste ça, ça ne suffit pas parce que les mouchriquins, ils reconnaissaient ça et ce n'était pas suffisant pour eux. Donc, le cheikh, il dit donc, le shirk, ce n'est donc pas uniquement le shirk dans la souveraineté d'Allah. Le shirk, ce n'est donc pas uniquement de reconnaître le shirk ou de faire le shirk, de dire qu'il y a un autre créateur avec Allah, ou de dire qu'il y a quelqu'un qui dirige l'univers avec Allah, ou de dire que il y a quelqu'un en dehors d'Allah qui contrôle l'univers, comme certains parmi les kuffars peuvent dire. Si quelqu'un dit ça, ça c'est sûr que c'est shirk, mais cette forme de shirk-là, c'est très rare parmi les êtres humains, comme le cheikh explique dans le livre. Il dit qu'il y a très peu parmi les êtres humains qui font cette forme de shirk. Sinon, la plupart des peuples sur la terre aujourd'hui, ils reconnaissent qu'il y a Ar-Rububiyya, c'est-à-dire ils reconnaissent que c'est Dieu seul qui est le créateur, c'est Dieu seul qui est le maître de toutes choses, hein, c'est lui qui fait vivre et qui fait mourir, hein, même les chrétiens ils croient en ça, hein, les juifs ils croient en ça, hein, même les hindous ils croient en ça. Donc quand tu leur demandes, hein, quand tu leur demandes pourquoi vous adorez les statues, les idoles, ils vont dire, ben on les prend juste pour des intercesseurs en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'ils nous rapprochent d'Allah, mais c'est pas eux qui ont créé les cieux et la terre. Ils savent que la statue qu'ils ont fabriquée eux-mêmes avec leurs mains, qu'elle est fabriquée de terre, ou de plâtre, ou d'autres matières, ou de métal, ou d'or, ou de bronze, ils savent que c'est pas ça qui a créé les cieux et la terre. Sauf qu'ils les prennent comme des moyens pour se rapprocher à celui qui a créé tout ce qui existe. Et donc c'est pour ça que le cheikh il dit que le tawhid ar-rububiyya, ça c'est reconnu par la plupart des êtres humains, même les chrétiens, hein, même les juifs et les autres, mais ça c'est pas ça qui les sauve du shirk. Et pour expliquer ça d'une façon plus pour expliquer ça d'une autre façon, tawhid ar-rububiyya c'est quoi? C'est de dire que Allah c'est le créateur, le seul créateur, le seul qui donne le risque, le seul qui fait vivre, le seul qui fait mourir, le seul qui contrôle tout dans l'univers, ou bien c'est de dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala le seul qui, c'est-à-dire que personne est avec Allah subhanahu wa ta'ala ou partage avec Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actions, yani. Personne partage les actions qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait, c'est-à-dire c'est lui seul qui crée, c'est lui seul qui fait mourir, c'est lui seul qui fait vivre, etc. Donc il dit, le cheikh, فلا أحد من الخلق ادعى أن هناك أحد يخلق مع الله تعالى أو يرزق مع الله أو يحيي أو يميت، بل المشركون مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. Donc ici c'est important de bien comprendre ce point là parce que c'est le fondement, en fait la base de toute la logique de qu'est-ce qui en sort par la suite, de comprendre le tawhid. Ok? Le cheikh nous dit que il n'y a personne parmi les créatures qui prétendent qu'il y a un autre créateur avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il y en a parmi les égarés par exemple qui prétendent ça, mais il y en a, ils sont très rares comme le cheikh a dit tout à l'heure. Et donc, le cheikh il dit, il y a très peu parmi les hommes qui prétendent qu'il y a un autre qui crée avec Allah, ou qui donne la subsistance avec Allah, ou qui fait vivre avec Allah, ou qui fait mourir, autre que Allah subhanahu wa ta'ala. La plupart des hommes, ils disent que c'est seulement Allah qui fait ces choses-là. Même que les mouchriquins, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils affirmaient que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui, comme on a dit tout à l'heure, c'est lui le créateur, c'est lui le pourvoyeur, c'est lui qui fait vivre, c'est lui qui fait mourir, c'est lui qui contrôle tout, comme le verset 25 dans Surat Luqman. Le verset 25 dans Surat Luqman. Si ils demandent, et si tu leur demandais, qui a créé le ciel et la terre, ils diraient Allah. Et si tu demandes aux mouchriquins de Quraysh, qui adorent les autres idoles, 365 idoles autour de la Kaaba. Tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils répondent Allah. Hein? Et Allah il dit dans le verset 86-87 dans Surat al-Mu'minun, Qul maya'a dit qui est le Seigneur des sept cieux et le Seigneur du grand trône, ils diront Allah. Donc, ils savent que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, ils reconnaissent ça, ils le confirment. Donc, ok, donc ça c'est notre preuve. اقرأوا الآيات من آخر سورة المؤمنون تجدون أن المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية وكذلك في سورة يونس. Donc, lisez les versets à la fin de سورة المؤمنون, vous allez voir que les mouchriquins, ils reconnaissaient que Allah est le seul créateur et le seul maître, etc. Qu'il avait la souveraineté sur tout. Et lisez par exemple dans Surat Yunus le verset que le Cheikh a mentionné, Cheikh Mohamed Abdul Wahab a mentionné le verset 31 dans Surat Yunus, dit qui vous donne votre risque des cieux et de la terre, ou qui détient l'œil et la vue, et qui fait sortir la vie de la mort, et qui fait sortir la mort de la vie, et qui détient toute l'affaire, et ils diront, et qui contrôle toute l'affaire, et ils diront Allah. Donc ils confirment ça, ils ont cru en ça. Et ça c'est pas un problème. Malgré que, vous voyez, même par exemple, on veut vous donner un exemple un peu étrange parfois, et ça c'est surprenant de constater ça, hein, c'est que vous voyez parmi des groupes, parmi des gens de bid'ah dans la Ummah, comme les soufis, hein, les soufistes, et les Asha'ira, c'est eux les, souvent, parmi les groupes de bid'ah, parmi les musulmans, vous trouvez que c'est eux, les Maturidiyya, les soufis, Maturidiyya ou Asha'ira, c'est eux les plus souvent qui combattent le tawhid et qui attaquent les musulmans qui appellent le tawhid et qui les appellent des wahhabiyya. Hein? Eh bien, la plupart de ces gens-là, ils disent par exemple, quand on leur parle de tawhid et quand on les avertit contre le shirk, hein, ils disent, yani, que le shirk c'est seulement dans ar-rububiyya. Hein? Et que le tawhid c'est seulement le tawhid dans ar-rububiyya. C'est-à-dire que c'est Allah. Je crois qu'Allah a la souveraineté sur toutes choses, et que c'est lui le maître de toutes choses, et qu'il y a un seul créateur, et qu'il n'est pas divisible, etc. D'accord? Ça, c'est pour eux, c'est ça le tawhid. Mais si tu invoques autre qu'Allah, et des choses de ce genre, ça pour eux, c'est pas considéré comme étant shirk. D'accord? Et ils disent que par exemple, le shirk des chrétiens, c'est que tu dises que, yani, Allah a un fils. Des choses de ce genre. Et pour eux, ça se limite à ça, le shirk. Le fait d'invoquer Isa, de prier Maryam, hein, de leur faire des doigts, ça c'est pas, pour eux c'est pas shirk. Donc, et allez, ça c'est une chose étrange. Et malgré ça, malgré qu'ils disent ça, et allez, c'est parmi ces groupes-là, parmi les soufis, hein, que tu retrouves des gens qui font même le shirk dans Ar-Rububiyya. Même dans Ar-Rububiyya, ils font le shirk. Parce que tu vois, par exemple, non seulement ils invoquent les morts et les saints, mais ils donnent à leurs saints, et à leurs, soi-disant, à ceux qu'ils appellent Awliya ou Asiyad, des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des catégories parmi les soufis qu'ils appellent Rijal al-Ghayb. Et ils disent que Rijal al-Ghayb, ils contrôlent les atomes de l'univers, et que tout ce qui se passe dans l'univers, c'est eux qui le contrôlent. Hein? Et ils disent que le plus haut dans Rijal al-Ghayb, c'est Al-Rawz ou Al-Qutb. Hein, et en dessous de lui, il y a d'autres degrés, il y a comme une sorte de pyramide. Hein, et que ça, c'est des hommes qui sont invisibles et qui contrôlent l'univers. Et le grand pôle, c'est lui le maître de tout ça. Donc, même dans Rububiyya, ils font le shirk billah. Ils croient que le wali, il peut faire vivre, il peut faire mourir, qu'il a la connaissance de l'invisible, et toutes sortes d'autres croyances bizarres de cette catégorie-là. Donc, même s'ils critiquent ceux qu'ils appellent les Wahhabiyya, parce qu'ils interdisent d'adorer et d'invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils prétendent que le shirk c'est seulement dans la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et bien même dans Ar-Rububiyya, il donne les attributs d'Allah et il donne le contrôle de l'univers à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et non seulement eux, également ceux qui critiquent les musulmans qui appellent au tawhid et qui condamnent le shirk, il y a également les rafidah, parmi les shi'a. Hein? Eh bien les shi'a, subhanallah, parmi les rafidah, ils critiquent les gens qui interdisent d'invoquer Al-Hassan ou Al-Hussein, et qui interdisent aux gens de faire le tawaf à Najaf ou à Karbala, à la tombe d'Al-Hussein, hein, et qui interdisent aux musulmans d'invoquer ces êtres-là en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eux, ils disent, ah, ça c'est des wahhabiyas, alaykoum salam, ils disent, ça c'est des wahhabiyas, ils nous interdisent de prendre des intercesseurs, ils nous interdisent de faire soi-disant tawassul, comme ils appellent ça, tawassul, hein, pour tromper les gens. Donc le cheikh, il dit, en réalité, si on regardait comme il faut, tu vois qu'est-ce qu'ils prétendent, hein? Et bien dans la réalité, ces gens-là qui prétendent que le shirk ça se limite au rububiyya et que le tawhid ça se limite au rububiyya, ils font eux aussi, les rafidah shi'a, le shirk dans le rububiyya, parce qu'ils disent que les imams, les 12 imams qui sont descendants de Ali, en partant de Ali et ses descendants, Al-Hussein ou les autres qui sont descendus de cette ligne-là, ils disent qu'ils sont des êtres supernaturels qui contrôlent toutes les atomes de l'univers et qu'ils ont existé éternellement en tant que comme des lumières autour du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils savent tout, ils ont connaissance de toutes choses et qu'ils sont infaillibles, même dans leur état de sperme. Avant même d'être venu au monde, ils savaient toutes choses. Donc, ça c'est pour vous dire, subhanallah, comment ces gens-là qui critiquent hein, les salafiyins et qui critiquent ceux qui appellent au tawhid, hein, et bien vous voyez qu'ils critiquent et ils disent que le shirk, ça se limite uniquement à Aboubiya et que nous, hein, on a déclaré ces gens-là mushrikin de façon injuste. Et bien vous voyez qu'ils ont même donné des attributs de Aboubiya à autre que Allah subhanahu wa ta'ala parmi les créatures. Donc non seulement ils ont fait le shirk dans l'ibadah, mais ils ont aussi fait le shirk dans l'arububiyya, hein, alors qu'ils prétendent que yani, ils ne sont pas parmi les gens qui font cette sorte de, ou cette catégorie de shirk là, hein, et qu'ils prétendent que le shirk c'est uniquement dans cette catégorie là que ça se produit, alors qu'eux-mêmes ils sont tombés dedans. Donc c'est un exemple de leur contradiction en fait. Le cheikh il dit ensuite, فليس التوحيد هو الإقرار بتوحيد الربوبية كما يقول ذلك علماء الكلام والنظار في عقائدهم، فإنهم يقرون بأن التوحيد هو الإقرار بالله لأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، فيقولون واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له، هذا هو توحيد الربوبية. ارجعوا إلى أي كتاب من كتب علماء الكلام تجدونهم لا يخرجون عن توحيد الربوبية، وهذا ليس هو التوحيد الذي بعث الله به الرسل، والإقرار بهذا وحده لا ينفع صاحبه، لأن هذا أقر به المشركون وصناديد الكفرة ولم يخرجهم من الكفر ولم يدخلهم في الإسلام، فهذا غلط عظيم. فمن اعتقد هذا الاعتقاد ما زال على اعتقاد أبي جهل وأبي لهب، فالذي عليه الآن بعض المثقفين هو تقرير توحيد الربوبية فقط ولا يتطرقون إلى توحيد الألوهية، فهذا غلط عظيم في مسمى التوحيد. الشيخ il clarifie encore plus ce qu'on avait dit tout à l'heure et il dit que وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Il dit que le tawhid, ça ne veut pas dire uniquement de reconnaître que Allah a la souveraineté et qu'il contrôle tout dans l'univers. Ça c'est pas suffisant comme on a dit tout à l'heure. Hein? Il faut aussi renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Mais les ulama de kalam, hein, les philosophes, ceux qui retournent à la philosophie pour essayer d'établir leur croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et les théoriciens dans les questions de croyance et dans les questions d'aqidah, eux, leur tawhid à eux c'est quoi? Quand vous regardez les Mu'tazila et les Asha'ira et les Maturidiyya et tous ces groupes qui font partie de ceux qu'on appelle ulama al-kalam, quand ils expliquent aux gens le tawhid, qu'est-ce que c'est, dans leurs livres, hein, vous retournez à Jawharat al-Tawhid et les shurouh que les ulama de kalam, les ashara ont écrit, vous regardez la définition du tawhid. C'est quoi pour eux le tawhid? Eh bien, le tawhid pour eux, ça se limite uniquement à reconnaître qu'Allah est le créateur, le pourvoyeur, celui qui fait vivre et qui fait mourir. Et ils disent qu'il est unique, il est un en lui-même, il n'est pas divisible, il est un en ses attributs, il n'a rien qui lui ressemble, et il est un dans ses actions, il n'a pas de partenaire. Et ça, si vous regardez bien comme il faut, cette définition-là, ça ne sort pas de Tawhid al-Rububiyyah, ça reste toujours dans Tawhid al-Rububiyyah, qu'il y a un seul Dieu qui a tout créé et pas divisé, et qu'il est unique dans ses attributs, qu'il n'y a rien qui lui ressemble, et qu'il est unique dans ses actions et qu'il n'y a pas de partenaire dans ses actions, c'est-à-dire que c'est lui qui fait vivre et qui fait mourir et qui a créé, et c'est juste lui qui fait ça, ça c'est ses actions à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord. Et quand il parle des attributs d'Allah, bien entendu, il nie les attributs qu'Allah s'est donné dans la révélation et ils affirment uniquement les attributs qu'ils peuvent affirmer avec leur raison. Les autres, ils disent non, on ne les affirme pas. D'accord. Donc ça c'est leur tawhid à eux. Donc ça revient à une seule catégorie de tawhid, c'est tawhid al-Rububiyyah. Hein. Donc le cheikh dit que ça, ce tawhid al-Rububiyyah, si vous retournez à n'importe quel parmi les livres des gens de Kalam, les livres des Asha'ira, les livres des Mu'tazila, les livres des Maturidiyah, vous allez voir que ça ne sort jamais de cette définition du Tawhid qui est en fait Tawhid al-Rububiyyah. Et donc pour eux, c'est ça le Tawhid. Et donc le Tawhid des prophètes, ils ne le connaissent pas. Le Tawhid des messagers d'Allah, ils ne le connaissent pas. C'est quoi le Tawhid des messagers d'Allah? C'est de reconnaître que c'est Allah seul qui mérite d'être adoré et de rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à ça que les messagers ont appelé les hommes. Ils ne connaissent pas cette catégorie de tawhid. Et le chef, il dit que celui qui reconnaît le tawhid de ces groupes, les gens qui suivent Ahlul Kalam, si quelqu'un affirme uniquement que Allah c'est le seul créateur et que c'est lui le pourvoyeur, que c'est lui seul qui fait vivre et qui fait mourir et qui se limite uniquement à ça, il n'est pas ça ne va rien lui profiter au jugement dernier. Quand il va arriver devant Allah avec ça seulement tawhid al-Rububiyyah, ça ne va rien lui servir au jugement dernier. Ok. Et le cheikh il dit, ça c'est la même chose que affirmaient les mouchriquines à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? C'est la même chose que les mouchriquines et les koufars affirmaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça ne les a pas fait sortir du kufr. Et ça ne les a pas fait rentrer dans l'islam. Et donc ça montre la grave erreur de ces groupes et de ces gens de bid'a. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quand vous voyez des gens qui prétendent appeler à l'islam, hein, parmi les gens qui suivent des groupes comme les Ikhwan al-Muslimin ou Jama'at al-Tabligh ou d'autres, ils ne se concentreront jamais sur le tawhid, parce que pour eux, le tawhid c'est le tawhid tel qu'il est compris par les gens de Kalam, par les Asha'ira, par les Maturidiyah. Le tawhid pour eux c'est quoi? C'est tawhid al-Rububiyyah seulement. Tawhid al-Ibadah ça n'existe pas pour eux. Tawhid al-Asma al-Sifat ça n'existe pas pour eux. C'est uniquement tawhid al-Rububiyyah. Donc ils ne vont pas parler de tawhid parce qu'ils ne connaissent pas le tawhid. Hein? Ils ne connaissent pas le tawhid des prophètes, des messagers d'Allah qui ont appelé à laisser tomber tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et d'adorer Allah seul. Et c'est pour ça que vous voyez des gens qui voient des gens qui font le tawaf autour des tombes dans les pays musulmans et qui invoquent Al-Badawi ou bien Zainab ou bien d'autres parmi les soi-disant awliya, ils les laissent faire. Le pire qu'ils vont dire c'est que ah, ça c'est pas correct de faire ça, mais ils vont jamais dénoncer ça comme étant shirk d'Allah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc là maintenant vous allez comprendre le secret, hein. Non, vous n'allez pas trouver par exemple une conférence de Youssef al-Qardawi qui explique tawhid, le shirk c'est quoi, ou le kufr c'est quoi, et les détails de yani, qu'est-ce que c'est par exemple yani, tawhid al-uluhiyya, les détails de ça, qu'est-ce que ça signifie ces choses-là. Non, jamais. Même subhanallah, j'ai écouté une conférence de un qui est très connu yani, en Europe, Tariq Ramadan. Quand il explique la ilaha illallah, il définit la ilaha illallah, il dit quoi? C'est de dire que tout est Allah. Et ça c'est dans l'explication qu'il a fait dans le tafsir de Surat Al-Muzzammil. Si vous retournez à son tafsir qu'il a fait dans Surat al-Muzammil, vous allez voir qu'est-ce qu'il dit, c'est d'expliquer que la ilaha illallah, ça veut dire que tout est Allah, il n'y a rien qui existe excepté Allah. Et ça, c'est quoi ça? C'est wahdatul wujud. C'est la croyance d'Ibn Arabi, de Hallaj, et des Malahida, parmi les kuffars, et ça, c'est une aqidah de kuffar à la base. Et c'est pas surprenant non plus qu'il avait cette aqidah, parce que son grand-père avait cette aqidah aussi. Hassan al-Banna faisait partie de la tariqa al-Shaziliya, al-Hissafiya, et toute la plupart des turcs soufis, ils ont comme fondement wahdatul wujud. La même chose pour Mohamed Elias al-Kandahlawi, le fondateur de la tariqa, le fondateur de Tablir. La même chose. Hein? Donc c'est Ad-Diobandiya, ils ont cette aqidah. Et Mohamed Elias fait partie des Diobandiya, de l'école de Diobandiya en Inde. Et ça c'est la aqidah aussi. Donc il ne faut pas être étonné que vous entendez son petit-fils aujourd'hui qui dit la même chose. Mais il ne va pas faire un dars sur les règles du shirk et les catégories du shirk. Parce qu'il ne connaît pas. Ça n'existe même pas pour lui. Hein? Non. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire de distinction entre Allah et le Créateur et la créature. Tout est Allah et Allah est tout. Et ça c'est quand tu arrives à, soi-disant, comme il l'appelle, quand tu arrives à la limite, à la fin, quand tu es arrivé le plus haut niveau dans la foi, tu deviens un avec Allah, tu oublies toi-même, tu oublies tout, tu ne vois plus rien excepté Allah. Hein, ça c'est la aqidah des soufis. Hein. C'est Qutb, même il parle dans le tafsir qu'il a fait, Fidila al-Qur'an, dans Surat al-Ikhlas, il exprime cette même aqidah, qui est la aqidah des soufis, et puis dans d'autres passages également dans son tafsir. Et en tout cas, de toute façon, ce n'est pas surprenant comme on a dit tout à l'heure, parce qu'à la base, c'est des gens qui sont sur ces bid'a-là. Al-Ash'ariya et Al-Soufiya, hein, Tassawuf. Donc maintenant vous comprenez un petit peu mieux maintenant comme le cheikh il dit ici. Celui qui croit cette aqidah que eux ont, eh bien, il n'a rien ajouté à la croyance de Abu Jahl et Abu Lahab. Si tu crois juste à Tawhid al-Rububiyya, tu n'as rien de plus dans ta croyance que qu'est-ce qu'avaient Abu Jahl et Abu Lahab. Qu'il y a un qui a créé, qui a tout, qui contrôle tout. Et que tu prends les idoles juste pour être des intercesseurs et des intermédiaires entre toi et Allah. Comme les soufis et les autres mubtadi'a et les autres mushrikines qui prennent des intercesseurs et des intermédiaires entre eux et Allah. Hein? Comme dans chaque village dans les pays musulmans, tu trouves une qabr au plein milieu, tout le monde va aller quand ils ont besoin de baraka, ou quand ils ont besoin d'un enfant, ou quand ils ont besoin d'un travail, ou quand ils ont besoin d'une guérison, d'une maladie. Qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont voir le Sayyid, ils vont voir le Wali pour demander de l'aide. La récolte n'est pas bonne, hein, il faut aller voir le Wali. Le Wali n'est pas content avec nous. On n'a pas donné, on n'a pas égorgé assez de moutons cette année pour le Wali, il faut en faire plus cette année. Ça, c'est grave, ça, c'est ce qui se passe dans les pays musulmans aujourd'hui. Ils ont laissé Allah, Rabbul Alamin, et ils ont pris les créatures au lieu d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comme leur objet d'adoration et leur divinité. Donc, le chef lui dit, la plupart des gens aujourd'hui qui sont parmi les gens qui sont cultivés, soi-disant, et éduqués, hein, eh bien, leur tawhid, ça se limite au tawhid dans Ar-Rububiyya, hein, et ils ne vont jamais penser à ce qui s'appelle tawhid al-Uluhiyya. Et donc, le chef dit que ça, c'est une grave erreur dans la façon de comprendre et de définir le tawhid. Ok? Le chef dit, amma shirk, fayakuluna huwa, أن تعتقد أن أحدا يخلق مع الله أو يرزق مع الله تقول هذا ما قاله أبو جهل وأبو لهب ما قالوا أن أحدا يخلق مع الله ويرزق مع الله بل هم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحي المميت شيخ الدي أسي كونسان الشرك الديد. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux le shirk? C'est quoi le shirk pour eux? Le shirk dit, le shirk pour eux, c'est que tu crois que quelqu'un crée avec Allah, ou donne le risque avec Allah. Et donc le shirk dit, nous on dit, on répond à ça, et on dit, ça c'est exactement ce qu'elle disait, hein, elle dit, ça c'est, ah non, Ça, c'est pas ce que disaient Abu Jahl et Abu Lahab. Abu Jahl et Abu Lahab, ils ont pas dit, il y a quelqu'un qui crée avec Allah. Abu Jahl et Abu Lahab, ils ont pas dit, il y a quelqu'un qui donne le risque avec Allah. Ils ont affirmé, tous les deux, et les autres mouchriquins de l'époque, que Allah, c'est lui seul le créateur, lui seul le raziq, et lui seul qui fait vivre, et lui seul qui fait mourir. Hein? Donc ça, c'est la première qaïda. Si vous l'avez bien compris, la première règle, eh ben, ça devient clair pour vous, ça devient une âme très solide et très puissant pour vous. Parce que quand vous allez parler avec ces gens-là, vous allez être capable de leur expliquer c'est quoi le tawhid, c'est quoi l'adoration et c'est quoi le shirk. Et c'est quoi la différence entre le tawhid et le shirk. La deuxième règle, le shaykh il dit Al-Qa'idatu Thaniya, ça c'est les paroles de Muhammad ibn Abdul Wahhab. Il dit Al-Qa'idatu Thaniya, أنهم يقولون ما دعوناهم ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Donc le cheikh il dit, pour commencer dans cette deuxième règle, hein, cette deuxième qaïda, cette deuxième règle, le cheikh Mohammed Abdul Wahhab il dit, les mouchriquins ont dit, nous ne les avons pas adorés, nous ne nous sommes pas tournés vers eux, excepté pour nous rapprocher d'Allah, et pour demander leur demander l'intercession pour aller à Allah. Et la preuve de ça, ils ont voulu se rapprocher plus à Allah à travers ces intermédiaires-là. La preuve, c'est dans le verset 3 dans Surat Az-Zumar. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et ceux qui ont pris en dehors d'Allah hein, des divinités, des protecteurs ou des alliés, ils ont dit, nous ne les adorons excepté que pour qu'ils nous rapprochent plus d'Allah. Hein, on les adore pour qu'ils nous rapprochent plus d'Allah. Et Allah, wa alaykum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Et Allah jugera entre eux dans, à propos de ce qu'ils font, hein, dans ce qu'ils sont, dans ce au sujet de quoi ils ont divergé. Et Allah ne guide pas ceux qui sont des menteurs et des kafars, hein, des négateurs ou des mécréants. Donc, ça c'est le premier point que le cheikh mentionne au sujet de cette deuxième règle. Et il dit, donc pour clarifier le cheikh Fawzan, il explique ça, il dit « Al-Qa'idatu Thaniya, anna al-mushrikina, alladhina sammahumullah mushrikin, wa hakama alayhim bil-khuludi fil-nar, lam yushriku fil-rububiyya, wa innama ashraku fil-uluhiyya, fahum la yakuluna inna alihatahum takhluku wa tarzuku ma'allah, wa annahum yanfa'una aw yadurrun. أو يدبرون مع الله وإنما اتخذوهم شفعاء كما قال الله تعالى عنهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم هم معترفون بهذا إنهم لا ينفعون ولا يضرون وإنما اتخذوهم شفعاء يعني وسطاء عند الله في قضاء حوائجهم يذبحون لهم وينذرون لهم لا لأنهم يخلقون أو يرزقون أو ينفعون أو يضرون في اعتقادهم وإنما لأنهم يتوسطون لهم عند الله ويشفعون عند الله هذه عقيدة المشركين أنت لما تناقش الآن قبوريا من القبوريين يقول هذه المقالة سوءا سواء بسواء يقول أنا أدري أن هذا الولي أو هذا الرجل الصالح لا يضر ولا ينفع ولكن هو رجل صالح وأريد منه الشفاعة لي عند الله. نعم. Donc le cheikh explique et il dit que cette deuxième règle c'est quoi? C'est que les mouchriquins, ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a appelé et a nommé des mouchriquins et qu'il a jugé et qu'il a décrété à leur sujet qu'ils seront éternellement dans l'enfer, ils n'ont pas fait le shirk dans Ar-Rububiyya, ils n'ont pas fait le shirk dans la souveraineté d'Allah, mais ils ont uniquement fait le shirk dans Al-Uluhiyya, c'est-à-dire ils ont uniquement fait le shirk dans l'adoration. Hein? Ils n'ont pas dit que les idoles qu'ils adoraient, les statues qu'ils adoraient, les arbres, les roches, les pierres qu'ils adoraient, que c'était ça qui avait créé les cieux et la terre, et que c'était ça qui leur donnait leur risque avec Allah, ou que c'était eux qui les profitaient ou qui pouvaient leur faire du mal, et que c'était ça qui contrôlait le monde avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils les ont uniquement pris comme des intercesseurs et des intermédiaires entre eux et Allah dans l'adoration. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 18 dans sourate Yunus, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur profiter. Et ils disent, ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Et remarquez la parole où Allah subhanahu wa ta'ala dit, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. C'est-à-dire, ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur profiter. C'est-à-dire, ils ne croyaient pas que ces idoles-là, ou ces awliya, ou ces saints, ou bien ces statues, à l'époque, ou ces prophètes, ou ces anges, pouvaient leur nuire ou pouvaient leur profiter. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas nuire ni profiter, et que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui peut nuire et qui peut profiter. Hum mu'tarifuna bihada. Ils reconnaissent ça. Hein? Mais ils disent, qu'ils ont uniquement pris ces êtres-là, ou ces créatures-là, ou ces choses-là, comme des intermédiaires. Yani, des intercesseurs entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala pour remplir leurs besoins. Donc, ils leur égorgent des animaux, ils leur font des vœux, pas parce qu'ils ont créé, pas parce qu'ils ont donné le risque, pas parce qu'ils profitent, pas parce qu'ils lisent dans leur croyance, mais parce qu'ils sont des intermédiaires, parce qu'ils croient qu'ils peuvent être des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ils font des intercessions, ils demandent l'intercession à ces êtres-là pour s'approcher à Allah. Et c'est ça la aqida des mushrikines. Et aujourd'hui, quand tu débats, si tu discutes ou tu argumentes avec un mushrik aujourd'hui, parmi les qubouriyins, les gens qui adorent les tombes, qui vont au temple pour invoquer les morts, tu leur demandes, et tu vois qu'ils te répondent exactement la même chose. La même chose que les mushrikines, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, pour justifier le shirk qu'ils faisaient, pour défendre leur position, pour dire non, non, on ne fait pas de shirk, on est en train de prendre des intermédiaires entre nous et Allah. La même chose, ils disent les mushrikines et les kuffars aujourd'hui, les qubouriyins, ceux qui adorent les tombes dans les pays musulmans, qui disent la ilaha illallah jour et nuit, qui font la salat, qui font le jeûne, qui font le hajj, tous ces musulmans-là qui se disent musulmans, qui font ces choses-là, ils font les mêmes excuses que les mushrikines de l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ils disent, je ne sais que cet homme-là qui est pieux, qui était mort dans sa tombe, je sais qu'il ne peut pas me profiter, je sais qu'il ne peut pas me nuire, mais c'est un homme pieux, et je veux son intercession auprès d'Allah, parce que puisqu'il est pieux, il est plus près d'Allah que moi, et si je lui demande, Allah ne va pas lui refuser. Donc, je le prends lui comme intermédiaire. Et c'est ça exactement le shirk des mushrikines de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ok? Et donc, le shirk il dit, وَالشَّفَاعَ فِيهَا حَقٌ وَفِيهَا بَعْطِلٌ الشَّفَاعَةُ الَّتِي هِيَ حَقٌ وَصَحِيحَ هِيَ مَا تَوَفَّرَ فِيهَا شَرْطَانِ الشَّرْطُ الْأَوَّلُ أَنْ تَكُونَ بِإِذْنِ اللَّهِ والشرط الثاني أن تكون المشفوع فيه من أهل التوحيد أي من عصاة الموحدين. Le Cheikh il clarifie un point important, ce qu'il y en a parmi les gens de Bid'a, quand il parle par la suite des salafiyin, et dit là, ça c'est des gens qui ne croient pas en Al-Shafa. Ils disent, ah, ces gens-là, ils ne croient pas qu'il y a une intercession. Et ça, ce n'est pas vrai. Il y a une intercession qui est vraie, puis il y a une intercession qui est fausse. On affirme l'intercession qui est vraie, celle qui était confirmée par les textes du Coran et de la Sunna, et celle qui est fausse, on la rejette et on la nie. Et ça, c'est l'intercession qu'ont fabriqué et inventé les mushrikines. Donc, le Cheikh, il clarifie ça et il dit que il y a une shafa'a qui est vraie, et celle qui est vraie, c'est celle qui respecte deux conditions. Les deux conditions de cette shafa'a, c'est quoi? La première condition, c'est qu'elle soit faite, et qu'elle va être uniquement par la permission d'Allah. Alors, tu peux, la personne qui va intercéder au jugement dernier, pour quelqu'un, elle va uniquement intercéder par la permission d'Allah. Si Allah ne donne pas la permission, cette personne ne peut pas être intercédée en sa faveur. Deuxième condition, la personne pour qui on intercède, la personne pour qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder, il faut que cette personne fasse partie des gens qui sont sur le tawhid. Si la personne fait partie des mushrikines, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas intercéder en sa faveur. D'accord? Donc, il faut absolument que la personne fasse partie des musulmans, ou des pécheurs parmi les gens qui ont le tawhid. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Si la personne a du shirk, fini. Pas de shafa'a. Pour le mushrik, il n'y a pas de shafa'a. فَلَا تَنْفَعُهُمْ شَفَعَةُ الشَّافِعِينَ. L'intercession ne leur servira à aucune chose, ne leur sera d'aucun profit parce qu'ils ont le shirk billah. Le shaykh dit, فَإِنْ اِخْتَلَّ شَرْطٌ مِنَ الشَّرْطَيْنِ فَالشَّفَعَةُ بَاطِلَةُ. Si une de ces conditions-là n'est pas respectée, la shafa'a est rejetée. Et le shaykh il mentionne ensuite les preuves de ça, il dit, مَنْ ذَلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. Le verset 255 dans Surat Al-Baqarah. C'est quoi ce verset? Ayatul Kursi. Allah il dit quoi? Celui qui, Allah il pose une question, il dit, et qui intercédera auprès de lui? Qui peut intercéder auprès de lui excepté par sa permission? 255 dans Surat Al-Baqarah. Qu'est-ce qu'il dit ensuite le Cheikh? وَلَا يَنْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ اِرْتَضَى. Et ils ne peuvent intercéder que pour celui que Allah a agréé. وَلَا يَشْفَعُونَ. Ils ne peuvent intercéder excepté pour celui qu'Allah a agréé. نعم. وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ اِرْتَضَى وَهُمْ عُصَاةَ الْمُوَحِّدِينَ أَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُشْرِكُونَ فما تنفعهم شفاعة الشافعين وما للظالمين من حميم ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et ils ne peuvent intercéder excepté pour celui qu'Allah a été satisfait, et ce sont qui? Ce sont les pécheurs parmi les gens qui ont été sur le tawhid. En ce qui concerne les kuffars et les mushrikoun, eh ben, l'intercession ne leur sera d'aucune utilité. Et le cheikh il mentionne le verset, là, ce verset là c'est 28 dans Surat Al-Anbiya, illa liman irtada, et l'autre verset c'est le verset 18 dans Surat Ghafir, ma lizzalimina min hamimin wa la shafi'in yuta. Les injustes n'auront aucun ami chaleureux ni aucun intercesseur qui sera obéi. Donc ça c'est un autre exemple. Et le cheikh il dit faha ou la sami'u بالشفاعة ولا عرفوا معناها وراحوا يطلبونها من هؤلاء بدون إذن الله عز وجل بل طلبوها لمن هو مشرك بالله لا تنفعه شفاعة الشافعين فهؤلاء يجهلون معنى الشفاعة الحق والشفاعة الباطلة. الشيخ الزيد سلا les gens qui font ces formes de shirk aujourd'hui, le cheikh il dit qu'ils ont entendu parler de l'intercession, shafa'a, mais ils n'ont pas compris qu'est-ce que ça signifie. Alors ils sont partis la demander à ceux-là, à ces êtres-là qui sont morts, sans la permission d'Allah. C'est-à-dire ils n'ont pas reçu la permission d'Allah pour le faire, et ils n'ont pas, même ceux à qui ils le demandent, ils n'ont pas la permission d'Allah pour la donner. Donc, le cheikh il dit, ils l'ont demandé même de celui qui est mushrik. Des fois, ils l'ont même demandé à celui qui est mushrik. Et le cheikh, il dit que son intercession ne lui sera d'aucune utilité. Et ceux-là, ils ignorent la signification donc de la vraie intercession. Et ils ne savent pas distinguer entre celle qui est vraie et celle qui est fausse parmi les formes d'intercession. Ensuite, le cheikh, il dit, « وَدَلِيلُ الشَّفَعَ قَوْلُهُ تَعَالَى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله والشفاعة شفاعتان شفاعة منفية وشفاعة مثبتة فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقكم الله من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة الشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ok donc ça c'est la fin de cette قاعدة ça c'est le Cheikh Mohamed Abdul Wahab qui continue à expliquer et il résume qu'est-ce qu'on a expliqué dans l'explication du Cheikh Saleh Al-Fawzan et il dit que la preuve de la Shafa'a qu'il y aura une de la Shafa'a c'est la preuve que qu'est-ce qu'ils font c'est shirk et ils l'appellent Shafa'a mais en réalité c'est pas Shafa'a c'est le verset dans Sourate Younes qu'on a dit tout à l'heure, le verset 18 qui dit et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter et ils disent cela sont nos intercesseurs auprès d'Allah et le Cheikh il dit que la Shafa'a en fait est de deux catégories une qui est affirmée et une qui est niée ou une qui est niée et une qui est affirmée la Shafa'a qui est niée c'est celle qu'on recherche ou qu'on demande à autre hein, à autre qu'Allah dans ce que personne ne peut faire accepter Allah subhanahu wa ta'ala et la preuve c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala est dit dans verset dans surat al-Baqarah 254 Allah subhanahu wa ta'ala il dit oh vous qui avez cru donnez de votre de ce que nous vous avons donné comme subsistance avant que vienne un jour dans lequel il n'y aura ni commerce ni négoce ni ni amitié ni intercession et le cheikh il dit wal kafiruna hum zalimun les mécréants sont les injustes ça c'est le verset 254 dans al-Baqarah et après il dit que la shafa'a qui est affirmée c'est la shafa'a qu'on demande uniquement à Allah parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit qul lillahi shafa'atu jami'a dit à Allah appartient à lui seul l'intercession lahu mulku samawati wal ard thumma ilayhi turja'un donc c'est à Allah seul qu'appartient l'intercession, tu ne peux pas la donner. أَمِتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَا قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُلْ لِلَّهِ شَفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُمُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ donc ça c'est un autre verset dans lequel il dit est-ce qu'ils ont pris en dehors d'Allah des intercesseurs dit même s'ils ne possèdent rien et qu'ils ne raisonnent pas dit à Allah appartient la shafa'a tout entière l'intercession tout entière appartient à Allah et c'est à lui qu'appartient les royaumes des cieux et de la terre et ils seront retournés vers lui et c'est à lui qu'ils seront retournés donc ça c'est yani c'est donc des preuves claires que tu ne peux pas demander une intercession à personne excepté à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne la demandes pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu la demandes uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est Allah qui détient la shafa'a et donc le cheikh fait ce qu'il dit ici avant que ce soit une shafa'a dans la dunya, tu demandes à quelqu'un, par exemple, un frère que tu connais, qui connaît par exemple le patron, tu dis, ben est-ce que tu peux lui demander au patron de m'engager, puisque c'est ton ami, hein, ou bien des choses de ce genre, ça c'est permis dans la dunya, de prendre l'intercession d'une personne dans ce qu'il est capable de faire. Mais là on ne parle pas de cette catégorie-là, on ne parle pas de cette sorte de shafa'a, on parle de shafa'a dans les questions de yani, Yom al-Qiyamah, l'intercession au jugement dernier, l'intercession pour sortir de l'enfer et des choses de ce genre. Hein. Demander l'intercession, c'est uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le Cheikh il dit, premièrement, celle qui est affirmée parmi les intercessions, c'est celle qui est demandée uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et al-Shafi, c'est la personne qui intercède, c'est celui qui est honoré par le fait qu'il va demander l'intercession. Et al-mashfu' lahu, celui à qui on demande l'intercession, c'est celui qu'Allah a agréé. Allah a agréé quoi? Il a agréé ses paroles, il a agréé ses actions. Et dans ses actions et ses paroles, il n'y avait pas de shirk, et après sa permission, c'est-à-dire après qu'Allah l'ait permis, hein, comme Allah subhanahu wa ta'ala a écrit dans le verset dans Ayatul Kursi, qui peut lui demander ou qui peut intercéder auprès de lui excepté par sa permission. Et le cheikh il explique, cheikh Salih al-Fawzan, il dit « الشفاعه لها شروط ولها قيود ليست مطلقه فالشفاعه شفاعتان شفاعه نفاها الله جل وعلا وهي الشفاعه بغير اذنه سبحانه وتعالى فلا يشفع احد عند الله الا باذنه وافضل الخلق خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يشفع لاهل الموقف يوم القيامه يخر ساجدا بين يدي ربه يدعوه ويحمده ويثني عليه ولا يزال ساجدا حتى يقال له ارفع رأسك قل تسمع واشفع تشفع فلا يشفع إلا بعد الإذن. Le chef il clarifie un point important, il dit que la shafa'a, comme on a dit, c'est de deux catégories, hein, une shafa'a qu'Allah a niée et une shafa'a qu'Allah a affirmée. Celle qu'il a niée, c'est celle qui est faite sans sa permission, et personne ne peut intercéder auprès de lui excepté par sa permission. Et la meilleure des créatures, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des messagers et des prophètes, si lui, il veut, et si lui, quand il voudra intercéder pour les gens qui seront au jugement dernier en train d'attendre le jugement, qu'est-ce qu'il fait pour avoir l'intercession? Il se prosterne devant son Seigneur. Et il l'invoque, et il le glorifie, hein. Et il reste prosterné jusqu'à ce qu'on lui dise, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui dise, relève ta tête, parle, tu seras écouté, et intercède, on te donnera l'intercession. Et donc, le cheikh il dit, ça prouve qu'il ne peut pas demander l'intercession. Il ne peut pas faire intercéder excepté après la permission, c'est ça que ça veut dire. Il ne peut pas intercéder pour quiconque excepté après que Allah lui ait donné la permission d'intercéder pour quelqu'un. Et en ce qui concerne l'autre partie, l'intercession qui est affirmée, le cheikh Salih al-Fawzan il explique et il dit الشفاعه المثبته هي التي تكون لاهل التوحيد فالمشرك لا تنفعه شفاعه والذي يقدم القبوريين يقدم القرابين للقبور والنذور للقبور هذا شرك لا تنفعه الشفاعه وخلاصه القول ان الشفاعه المنفيه هي التي تطلب بغير اذن الله او تطلب لمشرك والشفاعه المثبته هي التي تكون بعد اذن الله لاهل التوحيد. Donc le cheikh il explique et il dit que l'intercession qui est affirmée, c'est celle qui sera pour les gens du tawhid, pour les gens qui ont été sur le tawhid, qui ont cru au tawhid et qui ont appliqué le tawhid, qui n'ont pas fait de shirk. Mais le mushrik lui, il n'y aura aucune intercession qui lui sera profitable, hein. Et celui par exemple qui ramène des offrandes aux tombes, il ramène des offrandes pour les tombes, pour sacrifier aux tombes, ou bien des vœux, qu'il fait des vœux pour les tombes. Il va à la tombe d'un saint par exemple, et il dit au saint dans la tombe, au wali, qu'il a tel problème. Il dit, si tu exauces mon vœu, l'année prochaine je vais amener à ta tombe une offrande, et je vais l'égorger pour ton honneur, ou bien parce que tu m'as exaucé, ou bien je vais donner telle somme d'argent à tes descendants qui sont à la porte de la tombe puis qui ramassent de l'argent, ok? Parce que dans chaque tombe là il y a toujours une maison pour les descendants qui sont les descendants des gens qui sont dans cette tombe, et eux ils vivent de cet argent là, hein. Donc allez, je vais donner un peu d'argent pour ceux qui sont en train de garder ta tombe là comme ça, et allez, ils vont être contents. Donc ça c'est des exemples de qu'est-ce que font les gens à ces endroits-là. Puis le cheikh il dit que ça c'est shirk, et celui qui fait ça il est mushrik, et donc il ne peut pas profiter de la shafa'a du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au jugement dernier. Et ça c'est la conclusion de la parole en ce qui concerne la question de la shafa'a ou l'intercession qui a été niée hein, et c'est celle qu'on demande à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ou sans sa permission, ou qu'on demande pour un mushrik. Mais, comme le cheikh il dit, والشفاعه المثبته هي التي تكون بعد اذن الله ولاهل التوحيد فسي الشفاعه qui est affirmée, c'est celle qui est faite après la permission d'Allah et pour les gens du tawhid. Donc ça vient terminer la deuxième qaida. Pour aujourd'hui on va s'arrêter à celle-là, et demain inshallah on complétera la troisième et la quatrième قاعده باذن الله اوكي دونك اون سايتيسي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليه نعم وفيكم بارك ان شاء الله